Et voici maintenant une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. La danseuse, le foulard et la décapotable. Isadora Duncan est née à San Francisco le 26 mai 1877. Ni son père, le banquier et amateur d'art Joseph Charles Duncan, ni sa mère, Mary Isadora Gray, fille du sénateur de l'État de Californie, ne se doutent alors de la gloire et des drames qui vont émailler la vie de la plus célèbre de leurs filles. Du côté gloire, une carrière exceptionnelle de danseuse, une réputation mondiale pour celle que l'on décrit souvent comme la créatrice de la danse moderne, y ajoutant parfois une touche de provocation. La création de 3 écoles de danse, à Grunewald, en banlieue parisienne et à Moscou. Du côté drame, la perte de ses 2 jeunes enfants, Deirdre et Patrick, le 19 avril 1913, noyés dans la Seine avec leur nourrice, Amy Sin, lors d'un stupide accident de voiture. Le suicide de son mari, alcoolique et violent, le poète russe Sergueï Essénine, le 28 décembre 1925. La vie amoureuse d'Isadora Duncan est une tempête qui ne plaît pas à tout le monde. Le père de Deirdre est le designer de théâtre, Gordon Gregg. Celui de Patrick est le mania des machines à coudre, Paris Singer. Celui enfin d'un enfant mort-né et resté anonyme est le sculpteur italien, Romano Romanelli. Ajoutons à cela de nombreux amants, Walter Rummel, Victor Serov parmi d'autres, et une probable relation lesbienne avec l'actrice Eleonora Duse. À l'âge de 50 ans, Isadora se découvre une nouvelle passion. Une voiture de sport de marque Bugatti, modèle 37, avec arbre à cames en tête, d'une superbe couleur bleue. Mais la vraie flamme est en fait destinée au jeune homme qui lui en propose l'essai, un mécanicien franco-italien du nom de Benoît Falchetto. Nice, 14 septembre 1927, le grand soir. Isadora attend son beau mécanicien et sa Bugatti bleue pour faire une excursion sur la promenade des Anglais. Son amie, Mary Desti, lui recommande sa cape noire car les soirées sont fraîches. Isadora refuse. C'est alors au tour du jeune homme d'insister en proposant qu'elle mette au moins sa veste de cuir sur ses épaules. Isadora refuse encore. Elle ne veut porter que son châle de crêpe de Chine rouge, cadeau d'un jeune artiste russe, Roma Tchatov, qu'il a peint à la main d'un oiseau jaune entouré de caractères chinois. Le moteur gronde, la voiture démarre en trombe et Isadora lance à son amie Mary « Adieu mes amis, je vais à la gloire ». Le châle mesure 2 mètres de long, 1,20 m de large. Il vole et claque au vent, mais soudain se prend entre le papillon et le moyeu de la roue arrière côté passager. En un éclair, la tête d'Isadora est violemment projetée postérieurement, plaquée contre la tôle bleue. La nuque est dilacérée, presque sectionnée selon certains témoins. La mort a été instantanée. Isadora Duncan collectionnait les châles. La cape noire de son amie Mary Desti aurait pu lui sauver la vie, tout comme la veste de cuir de son nouvel et dernier amour, le mécanicien Benoît Falchetto. Vous venez d'entendre une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou.